tu portais la barbe et moi, j'avais des bottes qui prenaient l'eau. Ensemble on écorchait Brassens à la guitare et au banjo. Par flemme de rentrer se coucher, on faisait semblant de draguer. Où on perdait des nuits entières à discuter dans les cafés. C'était le temps des œufs au plat, la la la la. C'était le temps des chambres sous les toits. Quand on dormait en grelottant dans nos manteaux, sauf quand une fille nous tenait chaud. C'était le bon vieux temps. On se doutait bien que le mariage, c'était le service militaire à vie. Mais nous voilà devenus sages, moi le témoin, toi le mari. Bientôt on se donnera rendez-vous en regardant nos agendas. Et à ta femme, j'apporterai des petits fours, un hortensia. Ce sera le temps des dimanches au bois. Ah la la la, le temps des tables pliantes et des poulets froids. D'un air patient, ta femme t'écoutera quand tu parleras encore une fois de notre bon vieux temps. Et puis un beau soir mal à l'aise, j'arriverai accompagné. Et un regard vous suffira pour voir que je vais y passer. Nous attendrons l'heure de la vaisselle quand les femmes s'en vont de leur côté. À l'heure du fond de nos cognacs et de nos cafés décaféinés, on retrouvera le temps des œufs au plat, la la la la. Le joli temps des chambres sous les toits. Quand on dormait en grelottant dans nos manteaux, sauf quand une fille nous tenait chaud. Notre bon vieux temps.